Chapitre 36. Le départ de Geneviève. L'isolement de la comtesse de Charmeuse allait devenir absolu. Valentine Clément hâtait ses préparatifs de départ, sa chétive fillette était sevrée et on la nourrissait avec des drogues en attendant les miracles attendus de la vivifiante campagne. Adrienne n'aurait plus d'enfants et elle attendait cela comme un soulagement, une libération définitive. Pourtant, la paix n'était point dans son cœur, et, de loin, elle suivait, dans les journaux, la carrière de l'oublieux Jean Robin, en train de révolutionner le nouveau monde avec ses entreprises gigantesques. Le malheureux, songeait-elle amèrement, la fièvre de l'or et du succès l'ont perdu. Il n'a plus ni cœur ni âme. Enfin, le jour fixé arriva. Valentine emmenait enfin Geneviève à Courtenay. Elle n'avait point dormi de la nuit, et dès l'aube, elle fut sur pied, prête à partir. Madame de Charmeuse l'accompagna à la gare de Lyon, en voiture fermée, regardant toute rêveuse l'enfant qu'elle tenait dans ses bras. C'était la fin du triste roman. Elle eut l'intuition que cette pauvrette ne vivrait pas, qu'elle languirait jusqu'à la tombe, et une larme de tristesse et de commisération, plutôt que de réelle douleur, monta à ses yeux. L'express de 9 heures s'ébranla, et Adrienne se retrouva sur le quai de la gare, agitant longuement son mouchoir, tandis que Valentine Clément sanglotait éperdument. Puis la vision disparut. Le train filait à toute vitesse vers Montargis. La comtesse de Charmeuse était seule, oh oui, bien seule désormais, sans parents ni amis, sans époux, sans enfants. Que ferait-elle sur terre, victime infortunée, créature inutile? Si réellement elle avait été riche, elle aurait rempli le vide de son existence en se consacrant à la charité. Mais ce noble et pieux souci lui était de plus en plus disputé. Entre son père avare et son mari prodigue, elle ne pouvait glaner que de rares aumônes. Et la honte lui fermait la bouche. Elle n'osait élever la voix en maîtresse devant personne, surtout devant son père et son mari. Elle n'ignorait point la vie de dissipation et de débauche du comte, mais elle ne pouvait avoir l'ambition de le conquérir ni de l'amender. Il suivait logiquement sa voie. Le monde, qui ignorait tous les dessous de cette alliance, environnait la comtesse de Charmeuse d'une respectueuse sympathie qui ne cessait de grandir. Le malheur de cette fille de bourgeois, mariée à un noble décavé, désarmait jusqu'à l'intransigeant faubourg Saint-Germain. La modestie, la grâce et la vertu d'Adrienne enlevaient tous les suffrages. Les femmes elles-mêmes lui pardonnaient sa radieuse et pure beauté de sainte et de martyre. Elle était si triste, si douce et si charmante dans son abandon immérité. Rentrée à l'hôtel, dans la vaste et silencieuse demeure, elle sentit s'abattre sur ses épaules, plus lourd encore, tout le poids de son isolement. Et un rapide frisson de glace et d'apeurement glissa sur sa nuque. Debout, devant le berceau vide de Geneviève, lentement, avec des gestes las, elle ôtait ses gants. Et elle rêvait, s'interrogeait. Quoi? Rien? Pas un déchirement? Pas de révolte en face de la séparation? Elle n'entendait pas le cri de la chair à qui on vient d'arracher une part de sa vie intime? Et les larmes, qui perlaient à ses cils, n'étaient même pas pour l'enfant parti, pour toujours peut-être. Ah, son cœur, son pauvre cœur brisé, comme avec de profondes angoisses elle auscultait. Avec quelle avidité elle y cherchait la tendre fleur d'amour maternel, la petite fleur bleue et chérie qui l'eût raccrochée à l'existence. Et ce fut en elle presque de la terreur et de la colère, quand au lieu de l'image de sa fille, à laquelle elle croyait songer, Adrienne vit, à n'en pouvoir même plus douter, que Jean Robin seul occupait sa pensée. Jean Robin, perdu pour toujours, il était encore là, présent, en plein cœur. Tout la séparait de lui. Rien ne pouvait la détacher de son souvenir. Oui, ce fut de la sombre colère d'abord de ne pouvoir échapper à l'obsession d'amour, car pouvait-elle en douter? Elle l'aimait encore, comme au premier jour, elle l'adorait, l'infidèle. Et elle battait vainement contre lui le rappel de ses haines d'amante. Elle s'abandonna, sa conscience fière et chaste fondue dans un amer regret, dans un appel désespéré à l'homme aimé. Monsieur le comte fait demander à madame s'il lui plairait de vouloir bien le recevoir. Adrienne tressaillit, son rêve envolé du cou, ramené brutalement à la réalité. Elle fit un signe d'acquiescement à la femme de chambre, et le comte Roger entra. Il la surprit qui se tamponnait les yeux et esquissa un geste de consolation en regardant le berceau de Geneviève. « Oh » murmura-t-il, heureux de cette entrée en matière. « Je suis sûr que l'enfant se remettra là-bas. L'air est excellent, des bois, de la lumière, c'est charmant. » Au fond, il s'inquiétait assez peu de la fillette et encore moins de la douleur de la comtesse. Adrienne avait rougi en comprenant que son mari se trompait sur la cause de ses larmes. « Il me croit toujours meilleure que je ne suis, » soupira-t-elle. Et après un effort cruel, « Vous avez désiré me parler, » balbutia-t-elle, avec une sorte d'humilité où perçait le remords de sa pensée, se condamnant elle-même d'oublier sa fille pour ne plus songer qu'à Jean Robin. Roger la regardait en dessous, énervée, préparant sa lâche demande. À la voir si souple et si soumise en apparence, il reprit courage, et il résolut de tout risquer d'un mot bref. Il fit deux pas vers la comtesse, et dissimulant son embarras sous le sourire de l'homme du monde, « Vous connaissez ma situation, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai besoin absolument de 10 000 francs. J'ai dû encore penser à vous pour ce petit service. Croyez à tous mes regrets, madame. » Elle respira, soulagée. Le comte, venant lui demander de l'argent, n'était plus le mari que, dans sa candeur, elle s'accusait de ne pas égaler en générosité d'âme. Mais tout aussitôt, elle trembla d'avoir à refuser, forcément, de l'argent. Elle n'en avait pas, elle n'avait plus ses bijoux, tous vendus pour sauver le comte. Nous avons même dit qu'elle était gênée pour ses aumônes. Pour toute réponse, elle alla ouvrir un chiffonnier, enleva le tiroir où elle mettait ce qu'elle appelait les petites économies de ses pauvres, et la porta à Roger en disant « Voilà, c'est tout ce qui me reste. » Le comte pâlit. Il y avait là une trentaine de louis, une misère. Et comme Adrienne restait devant lui, gracieuse et touchante, avec cette pauvre richesse qu'elle offrait toute, il haussa les épaules, talonné par le besoin brutal d'en finir. « Je vous assure, » reprit-il avec une rage froide, « que j'ai un absolu besoin de ces 10 000 francs. Il me les faut, vous comprenez? Il me les faut avant demain. « Excusez-moi, » continua-t-il plus doucement, « ce m'est une contrainte pénible que de m'adresser à vous. Oh, je sais, si vous aviez ici la somme, je l'aurais déjà. Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-elle, inquiète déjà d'avoir à courir chez son père qui la recevrait, Dieu savait comme. « Écoutez, je vais tout vous dire, » fit-il en respirant avec effort. « Il ne s'agit plus d'un chèque à payer, d'une dette de jeu pour laquelle, au besoin, je pourrais obtenir un répit de 2 jours. C'est grave, cette fois. Il y va de l'honneur du nom que vous portez, c'est-à-dire de ma vie, Adrienne. Sauvez-moi !» Jamais elle ne l'avait vu ainsi, tremblant, blême de peur. Jamais il ne l'avait appelé par son petit nom. Il fallait qu'il fût bien bouleversé. Qu'était-ce donc que cette chose grave et mystérieuse où était engagé l'honneur du comte? Soudain, il la prit par la main. « Allez demander cet argent à votre père, » supplia-t-il. Elle se taisait, effarée, redoutant les reproches et les refus de maître Bonheur. Alors il éclata. « Après tout, c'est mon dû que je réclame. Monsieur Bonheur reste à me devoir 2 millions sur votre dot. Je les veux, c'est bien simple. Ai-je tenu mes engagements? Ai-je donné mon nom, et plus encore peut-être à votre enfant? Tenez votre parole, madame. » Elle se redressa. « Il suffit, monsieur. Attendez-moi ici. Je serai de retour dans 1 heure. » Le visage pourpre, elle contint d'un regard d'infinie dignité le comte qui, maintenant, s'inclinait, essayait de se faire humble, et elle partit, résolue à rapporter coûte que coûte les 10 000 francs. Mais il eut encore le temps de lui glisser ce mot qu'elle emporta comme une tragique menace. « Je suis acculée. Si vous revenez les mains vides, c'est le suicide. »